Moi je malcaï maman pour t'al parler pour vous parce que vous toi fréquent et même dit déclarer si tellement radie yo van moi na marché sans seul bagaille pour me faire si l'elle tombe troisième c'est mettre quoi sous lit. Laisse à la respecter, la vie l'adorer, la page genou n'a pied. Yo jour, living parat li di, bonjour chérie. Moi-même, tellement saisi, m'oblige pas à parler. Après, vin rencontrer, dit tomber embrasser, moi fais déclaration. Moi si tellement content, mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi si tellement vexé, moi monté matissant, mal et la caille sans son. Tomber fait mauvais sang, tomber craché sang, venez confaler. Passé, ils ont fait m'aimer et puis c'est vrai. Ils comprennent nous voulons pour brésiller. Monsieur fatigue m'a prié. Ils aiment moins connaître ça m'a passé. Son fils m'aimer et puis c'est vrai. Ils comprennent nous voulons pour brésiller. Gardez qui j'en ou fait ma prévoque. Et ma chérie ou qu'on aime qu'un cop. Tout ça ou v'lé, ma passe telle. Et dis-moi un petit mot pour me consoler. Gardez qui j'en ou fait ma prévoque. Ma chérie ou qu'on aime qu'un cop. Tout ça ou v'lé, ma passe telle. Give me a timo pour me consoler. Et lui, quand on coupe des voisinages, il capte la tribotaille. Il va goûter ça, mon appétit. Si vous me réveillez, ma vie chérie. Et lui, quand on coupe des voisinages, il capte la tribotaille. Mon appétit, si vous me réveillez, ma petite chérie. à la chita ma fleuri, pendant ma paix fleuri, non pas besoin parler. Je ménage moins mourir, moi t'es dans l'autre pays, mais ma paix joui. Yo téléphone moi, et ce jour-là, il m'émotionne. Mes amis, quelle douleur, je dis à trouver mon malheur. Mes amis, quelle douleur, je dis à trouver mon malheur. Ma fleurie, pendant ma paix fleurie, non pas besoin parler. Je ménage moins mourir, pointer dans l'autre pays, mais ma paix jouit. Yo téléphone moi, ce jour-là, m'émotionne. Mes amis, quelle douleur. Jodi a trouvé mon malheur. Mes amis, quelle douleur. Jodi a trouvé mon malheur. Allez, qu'il est oui, ménage moins mourir. Qui moun ma joine pour consoler. Consoler, mon copain, du monde m'a joué pour consoler. Allez qu'il est oui, mais la joie mourit. Qui monte ma joie pour consoler. Vas-y, on va faire des yeux. Vas-y, on va faire des yeux. Vas-y, on va faire des yeux. Ayez pour courage. Ayez pour courage.